Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les sept boules de cristal. Deuxième épisode. À l'occasion d'une visite de Tintin à Moulinsart, le capitaine Haddock a décidé de l'emmener au Music Hall Palace pour lui montrer une série de numéros. Lors de cette soirée mouvementée, une voyante a révélé que le cinéaste Clermont, membre de l'expédition ethnologique Sanders Hartmut, venait de tomber gravement malade. Tintin y a également retrouvé le général Alcazar, qu'il avait jadis connu en Amérique latine, devenu depuis lanceur de couteaux. Deux jours plus tard, nous retrouvons Tintin chez lui. Voyons, que dit le journal ce matin? Une étrange épidémie. Après le cinéaste Clermont, le professeur Sanders Hartmut est frappé par un mal mystérieux. Ça alors? Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert leur tombeau de ce pharaon. Vous verrez, la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet Inca. Qui sait si ce brave homme n'avait pas raison? Je me demande si... Messieurs Dupont et Dupont, bonjour. Quelle nouvelle? Ça va. Oui, ça va. On peut pas dire que ça ne va pas. Oui, ça va, ça va. Je dirais même plus, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Somme toute, ça va. Oui, Vous avez lu le journal ce matin. Mystérieuse épidémie, le professeur Sanders Hartmut. Oui, j'ai lu. Ah, oui, et que pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas. Cela me paraît étrange, bien sûr, mais enfin, c'est peut-être une simple coïncidence. Non, non, non, non, il y a là plus qu'une coïncidence. Oui. Sans doute avez-vous raison, mais comment le prouver? Et d'abord, quelle est cette mystérieuse maladie? Ce n'est pas à proprement parler une maladie. Non. Les deux victimes ont été trouvées endormies, l'une à sa table de travail, l'autre dans sa bibliothèque. Oui. D'après un premier examen, il semble que les explorateurs soient plongés dans une sorte de sommeil léthargique ou hypnotique. Curieuse histoire. Mais voyez ceci. Regardez. Quoi? Ces petits morceaux de verre? De cristal. Cela se trouvait à côté des victimes. Oui. A-t-on songé à faire analyser ces fragments? Oui. Bien sûr. J'en ai laissé quelques-uns au laboratoire de la police scientifique. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, ils doivent avoir les résultats. Certainement. Vous permettez que je les appelle d'ici? Je vous en prie, faites. Allô? La sûreté? Oui, passez-moi le laboratoire, je vous prie. Allô? Docteur Simon? Oui, ici Dupont. Non, avec un T, comme Théodule. Oui. Alors, cette analyse? Comment? Quoi? Que se passe-t-il? Le professeur Lobé, c'est inouï! Le trouver endormi dans sa salle de bain. Oui? Toujours les mêmes petits éclats de cristal? Permettez, je prends l'écouteur. Mais c'est inouï! Et l'analyse? Où en est-on? Rien de très précis. Nous avons cependant pu établir que ces éclats de cristal proviennent de petites ampoules sphériques. Celles-ci contenaient probablement le produit qui a plongé les victimes dans cette espèce de sommeil léthargique. Maintenant, quel est ce produit? Nous n'en savons rien. Les recherches continuent. Bien sûr, bien sûr. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Au revoir, docteur. Et de trois. Je n'en reviens pas. Le professeur Lobépi, c'est inouï. Il faut immédiatement prévenir les autres membres de l'expédition et prendre des mesures pour les protéger. Quoi ? Vous croyez que... Bien sûr, il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. Tous ceux qui font partie de cette expédition sont en danger. Voyons. Sanders Hardmuth, Clermont, Lobépin, cela fait trois. Qui sont les autres ? Marc Charlet. Marc Charlet. Téléphonez à Marc Charlet. Tout de suite. Allô ? Allô ? Allô ? Moi, c'est toujours la même chose avec le téléphone. Chaque fois qu'on en a besoin, il est détraqué. Ah ben, c'est pas le téléphone que tu tiens, c'est ta canne. Ma canne. Oh. Moi, vais-je la tête. Ah oui, mais... Allô, oui ? Oui, c'est moi. Oui ? Oui, oui, je viens de lire les journaux. Comment ? Le professeur Lobépin, lui aussi ? Non. Ah, que dites-vous ? Des éclats de cristal ? Tonnerre, on ne m'avait pas menti. Qui ? Un vieil Indien qui, un soir, ivre de coca, m'a raconté. Maintenant, il vaut mieux que je vous voie. Non, j'irai moi-même vous trouver. Où cela ? Rue du Labrador ? Bon, je saute dans un taxi et j'arrive. En attendant, avertissez messieurs Cantoneau, Ornay et Bergamote. Dites-leur de ne pas sortir. Et surtout qu'ils se méfient des fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi, soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. À tout à l'heure, j'arrive. Il va venir. Il a l'air d'en savoir long, ce Charlet. Il a dit qu'il fallait prévenir les autres explorateurs, leur recommander de ne pas sortir et de se méfier des fenêtres. J'avertis tout de suite monsieur Cantoneau. Allô, c'est vous, monsieur Cantoneau ? Ah, quel bonheur, il n'est pas trop tard. Tintin, à l'appareil. Que se passe-t-il donc, mon cher Tintin ? Comment, vous n'êtes pas au courant ? De quoi ? Les professeurs Sanders, Hardmuth et Lobépin, ainsi que le cinéaste Clermont, avec lesquels vous avez mené l'expédition ethnographique au Pérou et en Bolivie, ont tous été retrouvés plongés dans un sommeil léthargique. Comment ? Mais c'est incroyable ! Et Clermont aussi ? Oui, et le professeur Lobépin a été touché ce matin même. C'est épouvantable ! Je vous appelle pour vous dire de vous tenir sur vos gardes, monsieur Cantoneau. Me tenir sur mes gardes ? Oui, soyez très prudent, et surtout, ne restez pas près des fenêtres. Des fenêtres ? Oui, des fenêtres ! C'est... Oh ! Allô ? Allô, monsieur Cantoneau ? Allô ? Que se passe-t-il ? Il est arrivé quelque chose au professeur Cantoneau. Je cours chez lui. Vous, de votre côté, avertissez tout de suite les deux autres explorateurs. Voilà justement un taxi qui s'arrête devant votre porte. Celui de Marc Charlet, sans doute. Je vais en profiter. Au revoir. Voilà, monsieur. Ça fait 18,50. Monsieur ? Oh, sapristi, qu'est-ce que... Oh non. Ah, je ne comprends pas, je... Et là, à ses pieds, les mêmes éclats de cristal. Quoi ? Cet homme a été victime d'un attentat. Dites-moi, vous êtes-vous arrêté en cours de route ? Non. Ah, si, une seule fois, à un carrefour où le feu était rouge. Ah oui, je me souviens. C'est à ce moment-là que la chose a dû se produire. Un autre taxi est venu se ranger à notre gauche et j'ai entendu un petit bruit de verre brisé. Mais je n'y ai pas attaché d'importance. La voie était libre et je suis reparti. Bien. Sonnez au premier, vous répéterez tout cela aux deux messieurs qui se trouvent là-haut. Ils sont de la police. Moi, je m'en vais prévenir le professeur Ornay. Bien. La série s'allonge. Ainsi donc, des sept explorateurs qui ont pris part à l'expédition, seuls messieurs Ornay et Bergamote n'ont pas subi le sort de leurs compagnons. Jour et nuit, leur demeure est surveillée par la police, de même que le musée d'histoire naturelle dont monsieur Ornay est le conservateur. Par ailleurs, l'Observatoire astronomique de Bruxelles annonce... Une lettre et un colis recommandé pour vous, monsieur Ornay. Merci bien. Sapristi, incroyable. C'est mon correspondant de Java qui m'envoie un papillon d'une espèce inconnue qu'il a capturé là-bas. C'est magnifique. Voyons donc ce curieux lépidoptère. N'ouvrez pas ce paquet, c'est peut-être un piège. Donnez-moi ça, je vais l'ouvrir moi-même. Mais alors, vous ? Moi, c'est mon devoir, monsieur le conservateur, et le devoir, c'est le devoir. Je dirais même plus. C'est le devoir. Vous permettez. Dis donc, viens vite, il y a un colis suspect à examiner. Un colis suspect? Rejoins-moi dans le couloir. Alors, où est-il? Là, le voili, ce collard. Oh, il s'agit d'ouvrir cela maintenant. Du sang-froid. Oui, c'est cela. Du sang-froid. Attention. Attention. Oh, ben ça va, pas de danger. C'est tout simplement un papillon. Mais quel papillon. Oh, magnifique. Eh bien, mon cher, entre nous, je puis bien te dire, j'ai chaud. Non, ben, entre nous, je dirais même plus, j'ai eu chaud. Quelqu'un. Oh, Tintin. Alors, messieurs, ça va? Oui, oui, ça va. Mais nous avons eu chaud. Nous venons d'ouvrir un colis qui nous semblait suspect. Heureusement, il ne contenait qu'un papillon. Regardez, le voici. Quelle splendeur. Eh bien, je vois que la porte de M. Ornay est bien gardée. Mmh. Et sa fenêtre. Sa fenêtre? Ah ben, c'est moi qui la garde. C'est tout vous dire. C'est vous qui gardez sa fenêtre. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Sapristi! C'est vrai! Je... Professeur! Mon Dieu, il est endormi lui aussi! Là-bas, quelqu'un vient de disparaître, dans les taillis! Allô? La sûreté? Ici Dupont. Non, avec un D, comme Démosthène. Oui, oui, ben, moi je vais bien, merci, c'est... C'est Monsieur Ornay qui va tout à fait bien, lui. Si, chef, oui! Endormi lui aussi! Monsieur Ornay, le conservateur du musée d'histoire naturelle, frappé à son tour de léthargie. Formidable. C'est formidable. Encore une victime, c'est inouï. Non, je crois que c'est plus à gauche. Non, je dis encore une victime. Il s'agit du conservateur du musée d'histoire naturelle, cette fois, monsieur Ornay. Pas encore tout à fait, mais je crois bien que j'y arriverai. Oui, bon, voilà. Lisez vous-même, ça vaudra mieux. Formidable. C'est formidable. Vous avez lu ça? Non? Ça m'étonne. Les titres sont pourtant suffisamment lisibles. Enfin, n'importe. Je vais vous le lire moi-même. Ben voyons. L'affaire dite des boules de cristal continue de passionner l'opinion publique. S'agit-il, comme tout le porte à croire, de la vengeance d'un Indien fanatique résolu à punir les audacieux qui ont profané la sépulture du roi Inca Raskar Capac? C'est possible. On peut néanmoins se demander pourquoi, dans ce cas, le mystérieux vengeur n'a pas purement et simplement tué ses victimes au lieu de les plonger dans un sommeil léthargique qui, au dire des médecins, pourrait se prolonger assez longtemps sans mettre leur vie en danger. Bonjour, Nestor. Le capitaine est-il là? Oui, monsieur Tintin. Entrez. Ce cher ami, quelle joie de vous revoir. Comment allez-vous, capitaine? Bien, bien. Et monsieur Tournesol, comment va-t-il? Très bien. Il est occupé à me faire la lecture. Car il est certain que celui-ci aurait, à brève échéance, partagé le sort de ses infortunés compagnons. Le professeur Bergamote... Oh, Bergamote! Comment c'est lui, le dernier des sept? Ça, par exemple. Mais je le connais très bien, Bergamote. Nous avons fait toutes nos études ensemble. Vous connaissez M. Bergamote, l'américaniste? C'est chez lui, je crois, que se trouve la momie de Raskar Capac. Oh non, il est très gentil, au contraire. Ben, si vous voulez, je vous présenterai. Cela me ferait grand plaisir. Je vous remercie. Ah, tout de suite? Très volontiers. Allons-y. Thank you. messieurs. Nous voudrions voir le professeur Bergamotte. Vos papiers, s'il vous plaît. Tenez, les voici. Adoc, Tintin, Tournesol. Sapristi, il est bien gardé, le professeur. C'est bon, suivez-moi. D'abord, quelle chaleur! En effet, je crois qu'il y a de l'orage dans l'air. Entrez! Professeur, voici les visiteurs annoncés. Bonjour, Hippolyte! Oh, Tournesol! Ce cher bon vieux Tournesol! Bon, cher Hippolyte, je me suis permis de t'amener deux de mes amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Je te présente Monsieur Haddock, capitaine au long cours. Enchanté, capitaine! Oh, tonnerre, quel Et voici mon jeune ami Tintin, le reporter bien connu. Enchanté! Eh bien, Milou, que se passe-t-il? Il a eu peur de quelque chose, semble-t-il. Je comprends! C'est notre ami Raskar Kapak qui a effrayé votre chien. Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel. Regardez dans cette vitrine. Cette momie est incroyablement bien conservée. Oh, quel rictus effrayant! Ça, par exemple, nous qui parlions précisément de Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel, eh bien, je crois que nous allons être servis. Vous avez une voiture découverte, n'est-ce pas? En effet. Je vous conseille de la mettre à l'abri. Les orages dans la région peuvent être très violents. Entendu. Puis-je la conduire au garage? Vous avez entendu? Un coup de feu! Là-bas, un homme qui court! C'est un des inspecteurs qui garde la maison. Vite, allons voir ce qui se passe. Ça vient du côté de la grille. J'y vais. C'est vous qui avez tiré ? Personne n'a tiré. Et vous avez eu tort de laisser votre voiture en plein soleil. Voyez, les pneus ont éclaté. Eh bien, qui a-t-il ? Ce n'est rien, seulement deux pneus qui ont éclaté. Deux pneus de ma voiture ? Et vous trouvez que c'est rien ? Il s'aborde ! Ah, il s'aborde de presse ! Je suis désolé. Oh, qu'allons-nous faire à présent ? Deux pneus. Et je n'ai qu'une roue de secours. C'est bien simple, vous allez passer la nuit ici. Et demain matin, vous téléphonerez à un garagiste. Excuse-moi, Hippolyte, mais je crois qu'on a frappé à la porte. Voilà. La voiture est à l'abri. Tout est en ordre. Parfait. En tout cas, cette fausse alerte nous a permis de constater que la maison est bien gardée. Oui, évidemment. Mais il faut quand même rester prudent. D'ailleurs, puisque nous parlons de cela, que pensez-vous de cette affaire des boules de cristal? Ce que j'en pense, il n'y a pas grand-chose. À vrai dire, j'ai rédigé un mémoire sur les sciences occultes de l'ancien Pérou, qui semble en jeu ici. Mais je doute qu'il apporte une explication au mystère qui nous occupe. Voyez ceci. C'est la traduction d'une partie des inscriptions qui se trouvaient gravées sur les murs du tombeau de Raskar Kapak. Dans des milliers de lunes viendront sept étrangers au visage pâle. Et ils profaneront la demeure sacrée de celui qui déchaîne la foudre. Et ces profanateurs emporteront le corps de l'Inca dans leur lointain pays. Mais la malédiction divine s'attachera à leurs pas et les poursuivra par-delà les mers et les monts. Ça, par exemple. Mais c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Mais lisez la suite. J'avais déjà vu des témoignages sur ce phénomène, mais je ne l'avais encore jamais vu de mes propres yeux. Mon Dieu, la momie. Elle a disparu. Mais où est passé mon chapeau? Évaporé, Raskar Kapak. Volatilisé. Il ne reste plus que ses bijoux. Mais qu'avez-vous, Monsieur Bergamotte? Je Ce n'est rien. Lisez la suite. La suite de mon rapport. Et le jour où, dans un éclair éblouissant, Raskar Kapak aura déchaîné sur lui-même le feu purificateur et sera retourné à son élément primitif, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment. Voilà. La prophétie s'est réalisée. Raskar Kapak a disparu. Et sa vengeance est sur moi. Je le sens. Moi aussi. Et ça sent même très fort. Le soufre, n'est-ce pas? Voyons, ne craignez rien. La maison est bien gardée, vous le savez. Où dormez-vous? Dans la pièce voisine. Il n'y a pas de fenêtre. Bon. Et ici, il y a des volets. De plus, nous sommes à l'étage. Pour plus de sûreté, faites placer deux inspecteurs sous ces fenêtres-ci. Vous voyez que vous ne courez aucun danger. Vous avez raison. Je suis ridicule. Messieurs, je vais vous faire indiquer vos chambres et vous souhaiter une bonne nuit. C'était « Les sept boules de cristal » d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulin-Sart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillou. Musique originale, Olivier Daviau. Orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Eric Ruff, Marc Charlet, Gérard Giroudon, le passager, Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Alain Langlais, Nestor, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Laurent Natrella, le professeur Bergamote, Serge Bagdasarian, Dupont, Christian Eck, Dupont, Nicolas Lormont, le professeur Orné, Stéphane Varupen, le chauffeur de taxi, Nazim Boudjena, inspecteur Chaubet, Elliot Génicot, Monsieur Cantonneau, Noam Morgenstern, Tintin, Didier Sandre, le narrateur, Gaël Camilindi, le speaker radio, et les voix de Tristan Cotin, Amaranta Kuhn, Gis Jang, Axel Mandron, Pierre Ostoya Magnin, Marina Kapp, Milou. Bruitage, Sophie Bissant et Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Émilie Couette. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Xavier Lévesque et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.